Audiolib présente L'île du destin. La quête des Willan, tome 3, de Pierre Bottero, lu par Kelly Marot. Introduction au secret de Gwendalavir et histoire de sa libération. Jeunes gens ! Doom Philbatis posa ses mains sillonnées de rides sur le pupitre de Pierre. Cela commençait mal. Jeunes gens, s'il vous plaît, pourriez-vous vous asseoir et faire silence ? Le brouhaha assourdissant qui montait de l'amphithéâtre ne décrut pas. Aucun des candidats ne lui accordait la moindre attention. J'aimerais que tout le monde s'asseye et se taise ! Sous sa barbe de rue, le visage de Doom Philbatis vira soudain au rouge. Assis, bon sang ! Et la ferme ! Le hurlement accompagné d'un violent coup de poing sur le marbre du pupitre fit l'effet d'un ouragan. Un silence de mort s'installa que le vieil homme apprécia d'un hochement de tête. C'est mieux ! Commenta-t-il en toisant du regard l'assemblée maintenant attentive. Je suis Doom Philbatis, chroniqueur de l'Empire, et si vous ne vous tenez pas correctement, je veillerai à ce que la seule académie à laquelle vous puissiez prétendre soit celle des balayeurs d'Alpole, compris ? Il leva la main pour repousser une éventuelle réponse à ce qui n'était pas une question, et poursuivit. Comme chaque année, ma première intervention portera sur Ewilan Jil Sayan. Inutile d'espérer comprendre cette figure de légende si vous ne faites pas l'effort de vous représenter Gwendalavir telle qu'elle le découvrit. Et si vous ne vous attardez pas sur les trois principes qui influèrent sur son destin. J'entends par là l'étrangeté, la guerre et l'art du dessin. L'étrangeté d'abord, car nous vivons dans un monde autre que celui dont elle venait et dont elle ne soupçonnait absolument pas l'existence, un univers parallèle en quelque sorte. Et Willan était originaire de Gwendalavir, mais l'ignorait. Elle n'avait aucun souvenir de sa petite enfance et vivait sous le nom de Camille du Ciel, dans une famille adoptive peu aimante, jusqu'au jour où, pour échapper à un accident, elle se transféra ici. Le chroniqueur se tut un instant, afin de vérifier que son auditoire était captivé. C'était le cas, comme lors de la plupart de ses interventions. Rassuré, il reprit. La guerre ensuite. Car nous étions confrontés à l'invasion de voisins non humains, les Raïs, manipulés par une autre race maléfique, les Tzlish. Les Sentinelles, les seuls humains qui auraient pu renverser le cours de la guerre, étaient prisonnières des Tzlish, car l'une d'entre elles, Eléa Ril Morienval, avait trahi. Lorsqu'Ewilan arriva, les hordes Raïs déferlaient sur l'Empire, et les armées alavirienne se faisaient peu à peu écraser. La situation était désespérée quand... Et le troisième principe ? La candidate qui l'avait interrompue était une jeune fille élancée, au regard malicieux et à la chevelure d'un roux flamboyant. Doom Philbatis choisit de ne pas se formaliser. J'y arrive. L'art du dessin est la clé qui permit à Ewilan de construire la légende que nous allons étudier aujourd'hui. Cet art est inconnu dans l'autre monde. Et elle découvrit par hasard qu'elle pouvait, par sa seule volonté, rendre réel ce qu'elle imaginait ou se déplacer instantanément d'un endroit à un autre, d'un monde à un autre, effectuer ce que nous appelons le pas sur le côté. Vous me suivez ? La fille rousse hocha la tête avec déférence et le chroniqueur sourit. Ces jeunes gens n'étaient finalement pas tous des malappris. J'ai prévu d'aborder l'histoire des Willan selon un angle inhabituel. En partant d'un personnage que je viens d'évoquer, Eléa Ril Morienval. Eléa était sentinelle, comme les parents des Willan. Il existait 12 sentinelles qui avaient pour tâche de surveiller l'imagination, cette dimension qui permet aux dessinateurs de rendre réel ce qu'ils imaginent, et les spires, les chemins qui la parcourent. Eléa Ril Morienval était ambitieuse et dénuée de scrupules. Elle projetait de s'emparer de l'Empire. Dans ce but, elle n'hésita pas à pactiser avec les Tzlish et les mercenaires du Chaos, un groupe d'humains maléfiques. Altan et Elysia Jil Sayan, mais il est notoire que les mercenaires... Cette fois-ci, l'interruption était due à un candidat à l'attitude pleine de suffisance. Doom Philbatis réagit au quart de tour. « Un mot de plus et je vous expulse !» rugit-il. Vous pensez peut-être m'en remontrer en matière de faits historiques que j'ai passé des années à étudier ? Espèce de cancre-là prétentieux ! La cible de son courroux se recroquevilla, tandis que ses camarades s'écartaient prudemment de lui. Le chroniqueur prit une longue inspiration. Altan et Elysia Gilsayan, disais-je, furent les seules sentinelles à s'opposer à Eleanor Ilmorienval. Ils avaient auparavant pris la précaution de mettre leurs deux enfants, Ewilan et Akiro, en sécurité dans l'autre monde, en effaçant leurs souvenirs. Bien leur en prit, car ils furent vaincus et disparurent. La situation échappa toutefois à Eléa. Elle fut à son tour trahie par les Tzlich et enfermée avec les 9 autres sentinelles à l'extrême nord de l'Empire, dans une cité abandonnée, la légendaire Alpol, en partie créée par Merwin. Un mystérieux et redoutable gardien fut chargé d'empêcher quiconque d'approcher. Les Tzlich bloquèrent ensuite l'accès à l'imagination en verrouillant les spires et les hordes Raïs se jetèrent sur l'Empire. Privée du pouvoir de ses dessinateurs, Gwendalavir ne résistait qu'à grand-peine. Des remarques ? Doom fronça les sourcils devant l'absence de réaction de l'auditoire. D'année en année, les candidats devenaient pusillanimes. Les traditions se perdaient. Il contint difficilement un grognement de dépit et poursuivit. Telle était la situation à l'arrivée des Willan et de son ami Salim. Elle se trouva immédiatement plongée au centre d'un maelstrom d'intérêts divergents. Elle possédait un pouvoir supérieur à celui de n'importe quel autre dessinateur, sans véritable limite. Conscient de ce fait, Letzlich voulait sa mort, tandis qu'Eléar Ilmorienval, qui avait réussi à la contacter, souhaitait qu'elle aille chercher son frère pour qu'il libère les sentinelles prisonnières, les figées, ce qu'il était censé pouvoir faire. Nous reviendrons en détail sur les figées et nous étudierons le dessin de Tzlich qui a réussi à immobiliser et à priver de leur pouvoir l'élite des dessinateurs à l'Avirien. Sachez simplement qu'éveiller les figées représentait une tâche d'une complexité incroyable, nécessitant un pouvoir hors norme. Heureusement, Ewilan était entouré d'amis. Edwin Tililan, général des armées impériales et guerrier légendaire, Duom Nilerg, le célèbre analyste qui à cette époque n'était déjà plus tout jeune, Bjorn, un chevalier au cœur loyal, Maniel, un soldat à la carrure de titan. Ainsi que... La jeune fille rousse leva la main et le chroniqueur s'interrompit. Oui ? Cet Edwin Tililan dont vous parlez, est-il celui qui, le premier, a vaincu un Tzlich en combat singulier ? C'est bien lui. Je vous félicite pour votre perspicacité. Et pour tes beaux yeux, chuchota un petit malin. Sa réflexion souleva quelques rires discrets que le chroniqueur, en orateur avisé, fit mine de ne pas avoir entendu. Les compagnons furent rejoints un peu plus tard par Elana Kaldin, une marche-ombre mystérieuse et rebelle. Ensemble, ils se dirigèrent vers Al-Jet, notre capitale, en affrontant 1000 dangers. Maître Duhaume, bien que convaincu de la traîtrise d'Eléar Ilmorienval, avait en effet approuvé ses paroles. Akiro, frère aîné des Willan, paraissait le plus à même d'éveiller les figés. Il fallait mettre Ewilan en sécurité en attendant qu'elle soit capable d'aller le chercher. Le sort de l'Empire reposait entre ses mains. Preuve que son auditoire lui était acquis, un léger murmure d'appréhension s'éleva dans l'amphithéâtre. Il l'éteignit d'un raclement de gorge. « Lors d'une embuscade, » poursuivit-il, Elana fut grièvement blessée en sauvant la vie d'Ewilan. Celle-ci maîtrisait désormais le pas sur le côté et décida de ne pas attendre davantage. Accompagnée de Salim, elle changea à nouveau de monde pour trouver Akiro et le convaincre de sauver Gwendalavir. Malheureusement, leurs retrouvailles demeurèrent vaines. Akiro n'avait aucune envie de se lancer dans l'aventure et surtout ne semblait détenir qu'un pouvoir embryonnaire, très insuffisant pour la tâche qu'on attendait de lui. Ewilan et Salim choisirent donc de rentrer seuls, néanmoins porteurs d'une lueur d'espoir. Elysia Gilsayan avait réussi à contacter sa fille. Elle était vivante. Le chroniqueur se tut. Les candidats étaient pendus à ses lèvres, attendant dans un silence quasi religieux qu'il reprenne son histoire. Il prit le temps de boire un grand verre d'eau, s'essuya la bouche avec le dos de la main et, tout à sa joie de conteur, se lança dans la deuxième partie de son récit. La tâche d'éveiller les sentinelles et de libérer Gwendalavir incombait désormais à Ewilan. Entourée de ses amis, elle se remit en route vers la capitale. Artis Valpierre, un rêveur d'Ondiane, les accompagna. Et son art de la guérison leur permit de survivre à de nombreux périls. Letzlich savait qu'une fois libérés, les sentinelles pourraient faire sauter le verrou dans les spires, renversant ainsi le cours de la guerre. Leur priorité était donc d'éliminer Willan. Ils dépêchèrent dans ce but, par un pas sur le côté, plusieurs hordes Raïs auxquelles les compagnons parvinrent à échapper. Lors du dernier affrontement, ils furent secourus par un petit groupe de guerriers Fael, ce peuple étrange qui vit au-delà de la forêt de Barahil. Un Fael, Shiamvit, se joignit à eux. À Al'jet, ils rencontrèrent Silafian, empereur de Gwendalavir, avant de repartir en direction d'Alpol, la cité où les sentinelles étaient retenues prisonnières. Ils remontèrent le Polymage en bateau jusqu'au lac Chen. Là, Ewilan croisa la dame, un cétacé géant au pouvoir extraordinaire qui lui révéla qu'elle avait besoin d'elle sans s'expliquer davantage. Plus tard, lorsqu'Ewilan fut attaquée par une goule, elle dut la vie sauve à une intervention de la dame. Le chroniqueur se pencha vers son public et sa voix bascula dans les basses, registre qu'il savait convenir aux confidences. En marge de cette mission dans les marches du Nord, Ewilan avait peu à peu acquis la certitude que ses parents étaient vivants et elle s'était jurée de partir dès que possible à leur recherche. Il lui fallait pour cela soutirer à Eleharil Morienval, quand elle la rencontrerait, un renseignement indispensable, l'endroit où ils étaient retenus prisonniers. Des mains se levèrent pour solliciter des précisions que Dumfil Baptiste ne daigna pas fournir. Il reprit avec son ton de voix habituel. Les compagnons atteignirent finalement Alpol. Le gardien des sentinelles était un dragon, retenu captif par un des Saintslich. Et Willan comprit qu'il était le héros de la dame, et que celle-ci attendait qu'elle le libère. Elle réussit cet exploit et put ensuite délivrer les sentinelles. Le dragon la remercia en secourant Bjorn, Maniel et Shiamvit, assaillis par une horde Raï alors qu'ils défendaient les arrières de la compagnie. Libres, les sentinelles gagnèrent la citadelle des frontaliers pour prêter main forte aux armées impériales. Et Willan n'avait pas eu le temps d'interroger Eleharil Morienval sur le sort de ses parents, mais savait qu'elle la retrouverait dans la citadelle, à quelques jours de marche de là. Les sentinelles étaient libres. L'imagination de nouveau accessible. Les humains en passe de gagner la guerre. Et Willan avait sauvé Gwendalavir. La jeune étudiante rousse se leva. La quête des Willan ne s'achève pas ainsi, Le chroniqueur la fit taire d'un geste apaisant. Du calme, jeune fille. Et Willan avait rempli sa mission, mais sa quête ne faisait en effet que débuter. Il lui fallait retrouver Eleharil Morienval et certainement l'affronter. Elle avait confiance en l'issue de cette confrontation. Toutefois, une décision d'Elana assombrit sa joie. La marchombre avait décidé de quitter le groupe. Elle partait vers le sud, et Salim, qui s'était engagé par serment à la suivre, partait avec elle. Rien ne put la faire changer d'avis, et Willan, le cœur lourd, se mit en route vers la citadelle, sans son amie.